Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bonjour à tous et vous toutes, il est tout pile et bien 13h passé de 30 minutes, juste un instant, on a pu entendre des titres, tout simplement les Bee Gees, tout simplement, les Beatles. Avec le titre Goodbye. Voilà donc aussi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et aussi une très bonne matinée. Donc aussi, j'espère que vous allez continuer de passer un bon moment en ma compagnie, donc toute l'après-midi. Donc on continue bien sûr les chansons et voici, on débute avec tout simplement Céline Dion et puis juste après c'est Jérôme avec des chansons tout simplement de tout simplement, il demande tout simplement si tu veux danser avec lui. Voilà, puis un coucou aussi à la chauffette, donc tu comprendras pourquoi. Yeah. Voici donc le groupe collectif Métissé avec Fiesta et puis juste après Patrick Sébastien avec La Fiesta. Baltimore, tout simplement avec Tarzan Boy, et puis juste après Laura Bodigans. Thank you.

Voici donc son plaisir, c'est les Bad Boy Blue avec Your Woman. Thank you.

commencer, c'est quand ça qui est important. C'est pas pour mes mains, le petit malin. En ta foutée à dents, c'est ça qui est important. C'est pas pour mes mains, le petit malin. Allez, ça glisse. Zouk, voici donc le titre Je t'aime, et c'est tout simplement Christophe William et suivi de Simon. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Ne me quitte pas, je tourne dans la tête. Ne me quitte pas, tu sais dans ma tête. la maison. Pourtant on a compté les saisons. Tu vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles? Dans ma tête y'a toi et moi. La recette c'est toi et moi. On sait déjà. Pourquoi tu pars à la fête? Je ne pense qu'à toi. La recette c'est toi et moi. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'ai dans la tête. Ne me quitte pas. Je suis dans la tête. C'est toi et moi. Juste toi et moi. Tu sais, tout le monde autour pourrait me quitter. Tant que t'es là, je suis bien mon amour. Faut pas l'oublier. Y'a que toi et moi, la recette c'est toi et moi. On sait déjà. Pourquoi tu pars à la fête? Je ne pense qu'à toi. La recette c'est toi et moi. Ne me quitte pas. De quoi tu me parles? Dans ma tête y'a toi et moi. La recette c'est toi et moi. On sait déjà. C'est toi et moi. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'aime dans la tête. Ne me quitte pas. Tu sais dans ma tête. C'est toi et moi. Juste toi et moi. Ne me quitte pas. Arc-en-ciel. retour avec Céline Dion et son titre s'appelle Ne change pas. Ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas, une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste. François en duo et son titre s'appelle Mon cœur dit je t'aime. La maison a l'air plus grande, surtout la chambre où ne reste rien de toi que ton parfum. Ton absence, un vide immense, en voyant s'ouvrir les roses du jardin. Je vis près du téléphone, mais quand il sonne, c'est jamais le coup de fil que j'espérais. Tu m'oublies et moi je chante, mais si je chante, c'est seulement pour me retenir de pleurer. Mon cœur te dit, je t'aime. C'est surtout lorsque je rentre que tu me manques. faut dire que chaque soir tu m'attendais. Et malgré ma solitude, par habitude, hier encore je t'ai fait chauffer du café. Je dois perdre un peu la tête dans ma défaite. Je t'invente et je ne sais plus où j'en suis. À nouveau tes yeux m'éclairent, j'ai ta lumière. En couleur sur des photos, tu me souris. Mon cœur te dit je t'aime. Et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est aussi ça. Chers auditeurs, Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Sur Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voici donc que le groupe était une fois le titre « J'ai rencontré le rêve d'elle » et puis juste après « Fangal ». J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses « je t'aime ». Seul, c'est quoi?

Feeling's good. baby. And you've got to be there. Well, this is your night tonight. Everything's gonna be alright. This is your night. Yeah. Radio Arc-en-Ciel sur le 87.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.

la même tribu, mais on n'a sûrement pas le même totem. On a tous craqué un jour sur Je t'aime. Dans le micro, c'est bien connu. On est tous issus de la même tribu. On a dans ma vie tous nos grands s'achèvent. Pour le grand public, on est le star system. Des héros vus et connus. Toi tu viens des beaux quartiers, moi de la rue où je suis né. Mais nos sens sont métissés, pacifiques ou bien guerriers. On n'a pas le même totem, mais on est de la même veine. Différents individus, issus de la même tribu. On a quelque chose de Tennessee, de Belle-Île en mer ou de Lucie. Foule sentimentale, femme, je vous aime, c'est la vie. Oh chérie, on a nos Mistral gagnants, aligne sur le sable blanc. Mais y a des embouteilleurs dans nos cœurs à tous les âges, mercenaires, sans foi ou ingénus, tous issus de la même tribu. Nous on est nés quelque part, peut-être dans une boîte de jazz. Nous sommes tous européens, est-ce un mal ou un bien? Nous on veut que le bonheur, peut-être en comme un manouche sans guitare. On est tous issus de la même tribu, mais on n'a sûrement pas le même totem. Pour le grand public, on est le star system. Différents individus, issus de la même tribu. Différents individus, issus de la même tribu. Différents individus, issus de la même tribu. Différents individus, issus de la même tribu. Que j'implore, que je supplie. arc-en-ciel. Voici donc Franck Michael. Son titre s'appelle tout simplement L'amour est gitane. Et puis juste après, on écoutera tout simplement et bien Claude Dungaro avec tout simplement La pluie fait des claquettes. De l'âme, des échos du passé qui éclaboussent notre âme, notre âme. C'est comme un livre d'or, la fleur séchée que nous avait offerte un matin une inconnue qui n'a fait que passer, mais dont on n'oublie pas le parfum. Depuis bien longtemps, emporté par sa course folle, l'amour est gitan, il va et il vient, il s'envole. Rien ne le retient, et s'il nous invite à danser, c'est le temps d'un éclair ou d'un refrain. On ne peut pas dompter le vent, l'amour est gitan. Si douce et si belle, un rêve, un rêve. Pourtant elle était tout sous l'éternel, trop brève, trop brève. Si la passion allume des volcans dans nos cœurs délivrés de l'ennui, elle est plus fugitive qu'un torrent, prélude à la nostalgie. Depuis bien longtemps, emporté par sa course folle, l'amour est gitan, il va et vient, il s'envole. Rien ne le retient, et s'il nous invite à danser, l'amour est gitan. À minuit, parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, son queue de pie verticale, son sourire de nacre, sa pointure de cristal. Que Dietrich, elle trouve mon bas de laine, que je sois riche ou pas riche. Mais quand j'en ai ma claque, elle essuie mes revers et m'embrasse dans la flaque d'un soleil à l'envers. La pierre de diamant. Je la suis dans les cloaques où elle claque son argent. Je la suis sur la vitre d'un poète endormi, la tempe sur le titre du poème ennemi. La pluie, à force de rasade, de tournée des grands ducs, je flotte en ondambade, la pluie perd tout son suc. Je sais l'heure, et voici mon îlot. Salut, pourquoi tu pleures? Parce que je t'aime, salaud. La pluie fait des claquettes sur le trottoir. Chanson de Jennifer qu'on va se dire bonsoir. Voilà, l'émission touche bientôt sa fin. Bientôt 16h. Voilà donc, et bien aussi, j'espère que vous avez passé un bon moment avec les chansons que je vous ai diffusées, qu'on va se retrouver prochainement. Voilà donc, on se retrouve donc, et bien, dimanche à partir de 13h30. Voilà donc, bien, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, bonne soirée et bon week-end. Et donc, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Un jour, tu pars, l'autre, je reviens. Plus on s'égare, plus on se retient. En fait, un jour, je pars. Tu reviens comme sur une balle. C'est toujours toi qui dis que c'est toujours moi. C'est toujours. change du système. Bouge-nous. Ça change pas.